Inkesta publikoa diskretuegia dela salatzen du KADEK, ahal bezain publizitate gutxirekin egiten dela eta herritarrak ez direla zitadela barnean egin asmo dutenaren jakile. Oianaren parte bat desagertaraziko dutela alde batetik salatu digu Patrick Petitjean, Bergeret auzoko bizilagunen elkarteko kideak. Ya 1,43 exactement hectare de forêt qui avait été détruite, ce qui est tout à fait non négligeable. C'est disons qu'il n'y a pas tant de forêt urbaine que ça à Bayonne. Patrick Petitjeanen erranetan, ez da beste alternatibarik sekatu, ekipamenduak beste molde batez instalatzeko. Euri uren kudeaketaren zatere bi ura txikitze eremu sortu nahi dituzte, uraren kalitatearen azterketa hobea eskatzen du KADEK. Patrick Petitjean. Effectivement un contrôle de la qualité de ce qui est rejeté dans la Douvre et donc des mesures. Alors c'est vrai que des bassins de rétention c'est mieux que l'infiltration pour contrôler la qualité, mais en même temps c'est à la source, à l'endroit où il y a les, par exemple les garages, le nettoyage des véhicules militaires. Ibilgailuak eta materiala garbitzen den tokietan uraren azterketa sakonagoak eskatzen ditu beraz KADEK. Irailaren 20an bukatzen da inkesta publikoa eta Deizabala luzatzen dute jendea oharrak egitera hurbil dadin.